les jours, mes yeux s'y sont posés sur toi. J'ai su que c'était pour la vie. Ton sourire a réveillé la vie en moi. Et mon cœur brûle de te dire: je t'aime depuis toutes ces années, malgré des luttes et des tourments, les bons et les mauvais moments. Le temps nous a appris à nous donner, à sourire et à partager. Et si j'ai pu persister, jamais ta beauté. Tu es la plus belle dans mon jardin. Si un jour tu partais, je te rattraperai. Car toi et moi, c'est pour la vie. Dieu nous a unis. Je t'aime depuis toutes ces années, malgré des luttes et des tourments, les bons et les mauvais moments. J'ai pu persister, c'est parce que tu étais à mes côtés. Yo, SKD, Ish Libidish, I love you, je t'aime, ti amo. Je t'aime depuis toutes ces années, des luttes et des tourments, les bons et les mauvais moments. Le temps nous a appris à nous donner, à sourire et à partager. Et si j'ai pu persister, c'est parce que tu étais à mes Tika ngaite, sana mtango mpasi. Jutem.